Glasgow, jeudi 29 juillet 2004. J'ai rêvé que j'étais quelque part dans la nature avec Jacques, où on avait une maison et l'on passait la veille du jour de l'an. C'était la nuit. Dehors, soudain, il y a une scène impressionnante d'une lutte entre deux animaux sauvages, un taureau noir et un grand cerf. Au début, je croyais que c'était un cheval noir, mais ensuite, en regardant bien, car il est énorme avec une tête très masculine, que vois-je sur sa tête? Je vois ses cornes, un grand arbre. Il était très fort. Il écrase le taureau. Il est plus fort. Il a vaincu. De manière symbolique, tous les deux se touchent, les bras levés sans bouger, là-haut, les mains. C'est le cerf qui a vaincu sur les forces obscures du taureau et son esprit négatif disparaît. À la maison, on respire la tranquillité et la sécurité. Demain soir, c'est le jour de l'an. On pensait faire un feu dehors. Ce soir, on peut voir d'où souffle le vent pour être à l'abri de la fumée. Ensuite, je me souviens que je voyais quelque part, dans cette maison, que le robinet ne ferme pas et il y a l'eau qui coule toujours. C'est très agaçant.